émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Niro. Il est là, Niro, toute la semaine entre 20h et 21h. Ça va bien? L'album est dans les bacs depuis hier, il marche fort, il s'appelle Miraculé. C'est le troisième d'une trilogie, donc forcément. Ah, Miraculé, il est dans les bacs, je vois tous vos messages. Salam alaikum, mes frères et sœurs sur Twitter, Niro sur Skyrock, c'est le hashtag. Et toi, en forme? Alhamdoulilah, on est là. Ça ressemble à quoi tes journées en ce moment, Niro? Beaucoup de promos? Ouais, de la promo, mais ça ressemble pas. Tu sais, c'est pas. Tiens, voilà, le micro. Quand je finis mes interviews, voilà. Quand je finis mes machins, etc., je rentre chez moi, tel un homme normal. Retour à la maison, tranquille. Ouais, en bas du hood, avec 2-3 frérots. Avec des petites copines comme ça. Ce genre de petites copines. Tu as fait là qu'on entende bien la copine. C'est Fred qui a ramené ça. Merci Fred. Lui, il est en mode ténébreux. Il veut nous envoyer dans les ténèbres. Gothique. On lui dise tout. C'est un gothique bizarre un peu. Je suis gothique. C'est mes côtés gothiques qui ressortent. À l'époque bien, où j'avais des cheveux longs et les ongles en noir. Ouais, là, c'est plutôt le côté tolard maintenant. Maintenant, depuis l'Hashtag Academy, ouais. Ça y est. Mais je vais raser tout. Je vais raser tout. New style. Avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine, promis. Tu sais qu'avant la fin de la semaine, on va te faire un guet-apens, nous ou pas? T'es pas au courant, personne t'a mis au courant. C'est quoi? Bah, tu verras. Ouais, en même temps, si c'est un guet-apens. Ah, on va te faire un guet-apens sérieux. Non, pas un guet-apens violent, je tiens à préciser. Ouais, bien, on va te faire une petite surprise, on est équipé. On sait que tu n'es qu'amour d'ailleurs, Niro. Exactement. C'est vrai. Je ne suis qu'amour. Et joie. Et joie. Exactement. Aussi, quand on écoute l'album Miraculé, bon, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la peine. Il y a de l'amour, il y a de la peine, il y a de la vie. Il y a de la vie, tout simplement. Cet album s'appelle Miraculé, on va continuer à le découvrir cette semaine. Ouais. Je suis désolé, je te prends juste deux secondes, j'avais promis des dédicaces parce que ce week-end j'ai passé un week-end de dingue avec des gars que j'ai rencontrés, que je salue, de Stein, de Boboche, du 9-3. Et j'aurais promis des dédicaces, donc okay. Si tu m'en veux pas, parce que je sais que tu vas en faire aussi pas mal. Ah là, bien, dédicace à tous les Rey de Stein, Boboche, voilà, tout 9-3, Asté alias Le Cachotier, Brandon Gonza, Farouk Stein, Minouche, Soirax du Turfu, L'Oiseau, Prisou de Karl, Steak, Sabou, Nono le Freeze et Kims du 7-7 aussi qui n'était pas avec nous mais qu'on salue. Voilà, donc une grosse dédicace et merci encore à vous. Grand salam à vous les frères. Et on pense à vous ce soir notamment avec Niro et son album Miraculé. Moi hier on m'a beaucoup dit dédicace le Maroc. Ah bah oui. Donc je tiens à dédicacer tous mes Marocains. Puisqu'on rappelle que tu es originaire. Mais arrêtez d'être nationaliste, bande d'enfoirés. Vive l'Algérie, vive la Tunisie, vive le Maroc. C'est le Maghreb, vive l'Afrique. Coupe du monde. Coupe du monde qui arrive dans deux jours. Hein. On fera un quiz Coupe du monde d'ailleurs demain. Inch'Allah, ouais, bientôt. Tu vas supporter qui? Moi, je supporte l'Algérie, mec. Algérie? Ouais. Je suis marocain, mais je suis peu, petit français aussi. Ouais, les français aussi, j'espère. En fait, ce qui me ferait rire, c'est que ce soit l'Algérie et la France en finale. Ah. Oh la vie de ma mère. Ouais, ça serait marrant, ça. Ça serait très, très, très, très marrant. Ça va partir en couille. Et Marine Le Pen, elle va passer. Et on va tous rentrer chez nous, cousin. Non, mais ça serait. Genre, je sais pas si. Ils peuvent se croiser avec les tirages, les machins, les trucs. Mais écoute, pourquoi pas. Bonne chance en tout cas à ces deux équipes et aux autres aussi pour cette Coupe du Monde qui ouvrira. Ouais, bonne chance aux Algériens, bonne chance à tous les Africains aussi. Bonne chance à la France qui est notre pays natal. Donc voilà, j'espère que l'Algérie vont tout cabosser. Mais pas trop, parce que sinon ils vont tout cabosser en France, les klaxons, c'est tombé. Après on dort plus. Bon, on va écouter ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec Niro, ça donnait ça. C'est parti, coup d'envoi pour cette grosse semaine. Je sais qu'elle est attendue, je vois tous vos messages qui défilent, et ce qui paraît d'ailleurs depuis très tôt ce matin avec le hashtag Niro sur Skyrock, Miraculé dans les bacs depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, j'invite tous les frères et sœurs à aller le chercher, parce que souvent on dit ouais, le rap, machin, mais c'est vous qui faites les disques d'or. Nous sommes en train de fêter la sortie de cet album. Ouais, tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. Ouais, Miraculé. C'est chaud ma gueule. 2014 on prend les rênes. C'est chaud ma gueule. Rivaliser à ça. C'est chaud ma gueule. Viva Street. 90 euros la passe. Viva Street. Le rap game c'est de la baisse. Viva Street. Hein, Jean-Marc Frézil, le maire de Fleury, ça là, l'écoute pas mon nom. Viva Street, c'était en live hier soir, gros c'était live. Très très chaud, c'était très le premier chaud. Jour, mais c'est pas fini. Toute la semaine, on va vous mettre bien, Inch'Allah. Ce soir, tu fais du live? Ce soir, il y aura un peu de live, ouais. Comme j'ai mis un morceau en fait sur la précommande, qui n'est pas disponible en physique, sur l'album en physique. Je voulais vous le faire ce soir, ce morceau. Il s'appelle Me Revoilà. Donc voilà. Me revoilà dans le game. Et bah, pas louper avant on la fin. On va balancer le Barrington Levy aussi. Ouais, le moment on exclut le Barrington Levy parce qu'il y a le clip qui arrive demain, Inch'Allah. On a balancé le teaser du clip d'ailleurs. Là, exactement, j'ai balancé le teaser hier. Le morceau est phénoménal. Le clip, il est en 3D. Il est phénoménal. Ah, le morceau, il fait fort. C'est ouais. jamais fait dans le rap français. Donc j'invite tous les frères et sœurs demain à se connecter à 18h, je crois, c'est ça, non? Ouais, 18h. Et on va saluer aussi l'équipe de Street Lourd qui est là, je l'ai pas qui fait. Est on là, Monsieur Teddy Corona. Teddy Corona est là. Du Turfu. Corona du Turfu. Cette magnifique paire de lunettes. Ah, excellent, c'est moi-même. Et cette magnifique coupe aussi avec la raie sur le côté. De... Ah, ça fait deux fois que tu le dis. Mais non, mais je vais finir par croire des trucs bizarres. Cousin. Non, parce que je suis prêt à me lancer là-dedans en fait. Je suis en train de me dire. Vas-y, frère, courage, vas-y. À deux cheveux près. À deux cheveux près, je me dis que ça pourrait peut-être le faire. Ouais, ouais. Test, tu vas voir, c'est lourd. Et il y a Maïs qui est là aussi, il y a pas mal de monde. Il y a la Yen, il y a Blaguette. Il y a Get Blay, ils sont là, champions. On attend Mistaflo. Mistaflo, il est dans les bouchons. Mistaflo, il est en train de nous écouter. Et bon, salut Mistaflo et toute l'équipe de Street Lourd. Mistaflosaurus. Au complet, on débute avec un extrait de l'album Miraculé maintenant, c'est parti, je pense sûrement. Ouais. Allez, on y va. Allez, coup d'envoi de ce Planète Rap, Niro, notre invité tous les soirs. Miraculé dans les bras sur ces mots. J'en ai plus rien à foutre. Le soutien, c'est pas que du virtuel, mon ami. C'est aussi dans les bacs. Niama. Le caractère est très fort. Mauvais tempérament. Même si souvent je tords, j'essaie de me tromper à mort. Aujourd'hui miraculé, mais gros je guérille salement. Je vois leur chatte qui fait des bulles quand je passe en berline allemand. J'ai pris mon temps, je suis resté constant. Content ou pas, on connaît la pente quand la remontant. V'là le temps passé en bois, à balourder la jamba. Alourdir mes péchés, faire du mal à mes semblables. J'ai pas pris du poids, j'ai pris sur moi. Poto pris pour moi. J'écoute personne, tout le monde est sournois. Je suis devenu sournois. Ils me boycottaient, j'écoutais leur speech. Ils sont revenus, j'ai refusé leur pipe. En vrai, je préfère me couper la bite que me faire sucer par ces bitches. Eux et nous, c'est comme face et pile. Ils pensent avoir tout vu avant d'avoir passé le pire. Tes rappeurs seront là où je suis dans 10 piches, ils courent assez vite. On changera pas la face du monde juste avec des mots. N.I.R.O. dans les bacs, miraculé Zoulou. Street Law est dans la maison, Skyrock. Viens à tous les gens qui nous écoutent. La Dream Team, N.I.R.O. Une famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre. Savoir qui a tort ou raison. Je comptabilise les échecs. J'en ai fait des victoires. Impliqué dans v'là les histoires. Je m'étonne pas d'être critiqué. On aura ce qu'on méritera. J'oublierai pas quand ces salopes m'ont fermé les portes. J'ai rafalé leur double vitrage. Je passe d'hôtel en hôtel. Transite de ville en ville. Je rencontre les frères et sœurs qui m'aiment parce qu'on a la même vie. Des barres de rire comme on m'interpelle. Des braqueurs à mes concerts. Recherchez pas Interpol et risque la perpète. Chez nous des crises de rire. Aux crises de nerfs, poto y'a qu'un pas. Tu m'atteins pas quand tu m'allumes dans le dos, gros tu m'éteins pas. J'ai de la grégousse dans la suite. De la suite dans les idées. Des idées par la suite. Ma carrière, je suis resté fidèle. À mes soldats, je suis toujours fidèle à ma clique. Miraculé seulement parce que je suis fidèle à ma street. Yeah. La patience comme les reins qui tournent après la terre. Mistaflo est là aussi. Prends sur moi, j'attends mon heure. Ouais, mais ça commence à faire long. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Les yeux qu'on jette dans le vide. On voit même plus passer les saisons. A tous les reins incarcérés. Yeah, traîne sur eux. A tous les pères de famille. Qui a aucun droit sur ses mots. Oh ouais, N.I.R.O. J'en ai plus rien à foutre. Fred, Fleury, La Santé, Marcel Paul, Arléo, Oni Villepin, Oni Villepin, Yoncourt, Wesh Darsay, Wesh Concours. à la vôtre. Miraculé dans les bacs, Zoulou. On te le dira jamais assez. Vrai pour de vrai. La rue pour la rue. Je prends sur moi. Niro, à l'instant, notre invité, l'album Miraculé. Voilà, il y a des morceaux, c'est vrai, on l'a dit hier, mais des morceaux qui sont Ego Trip et puis d'autres un peu plus. Un peu plus intime. Personnel. Un peu plus intime, ouais, effectivement. Alors, c'est le cas parce que moi, je me suis refait l'album hier soir, j'ai écouté pareil, il y a un morceau qui est incroyable quand vous avez l'album. Ouais. Et chacun ses raisons. Ouais, c'est un morceau qui est très profond. Ouais. Et je parle beaucoup de moi dans ce titre. J'essaie de parce que moi ce que je respecte dans la musique en fait c'est les albums qui sont pleins de doutes, tu vois, qui sont pleins de doutes. J'aime pas trop les mecs trop sûrs d'eux qui, tu vois, et ces morceaux là ça fait partie de ces morceaux qui sont pleins de doutes et pleins de contradictions, plein de paradoxes. Bon, il y a un peu de ça quand tu fais de l'ego trip, si t'es sûr de toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Meilleur, tu veux mettre l'ego trip, mais t'as vu, il y a des jours. Tu veux mettre tout le monde à la retraite. Ouais, ou... mais il y a des jours dans la rue où t'as la patate, t'as envie de niquer tout le monde. Il y a des jours où t'as la santé, t'as envie de rire. Il y a des jours où t'as pas le moral, t'as envie de crier sur les gens. Et voilà, tu vois, c'est tu vois, à chaque jour son humeur, à chaque morceau son humeur, voilà bah il y a des morceaux, c'est ce qu'on disait, comme chacun ses raisons, comme Mama, comme voilà. Celui-ci qu'on écoutait aussi à l'instant, voilà, c'est des vrais morceaux personnels, c'est des morceaux comme je te disais hier que j'aimerais qu'ils soient un peu plus pris au sérieux, parce que c'est de nos jours c'est une denrée rare de faire des morceaux de cette manière là parce que la plupart des mecs qui font de l'ego trip, de la trap, etc. Bon, je t'apprends rien, t'as vu. J'essaie de faire autre chose en restant moi-même. Même si t'aimes bien en faire aussi un petit peu. Un petit peu, ouais. J'aime bien, c'est mon délire. De toute façon, je suis le meilleur à ça, tu le sais, on le sait. Tout le monde le sait. Les Kata, Bertrand Kata, ils le savent. Tout le monde le sait, Bertrand Kata, une gifle. Terminé. Bertrand Kata, c'est aussi un des morceaux que vous retrouvez sur l'album Miraculé. Ouais, ouais. Le hashtag, c'est Niro sur Skyrock. On va saluer Mista Flo qui vient d'arriver. Mista Flo, Florus, hey, bien Florus, c'est dans la maison. On est là. Je vais faire une petite dédicace là. Quel ambianceur quand même, Mista Flo. Ouais, vous êtes là ou quoi? Ouais. Non mais là, je voulais faire une petite dédicace à Ladji, Samy. Pardon, non, excuse-moi. Ouais. Continue, je prenais juste. La Bam Bam dans son camtar aussi. Voilà. Ouais, Bam Bam, on t'écoute. Vu qu'hier tu m'as pas entendu, Bam Bam. C'est une spéciale pour toi, mon ami. Voilà quoi. Abibi, de Fouzer, tout le monde. Issa, grosse dédicace à Issa aussi. Le message est passé. On va faire un petit jeu, j'avais promis un petit quiz. Alors, hier, j'ai compris qu'il fallait plus employer le terme punchline avec toi. On va dire voilà, des extraits. Sinon, on va tous vous niquer ici. Voilà. Donc, on va faire un petit blind test, Niro. Et par téléphone, on est avec quelqu'un de Blois. Ouais. Qui s'appelle Nabs. Ouais, c'est. Ah, je le connais sûrement. Tu connais Nabs? Ah, peut-être, ouais. Est-ce Allez, Nabs. Nabs, tu es là, tu es avec nous, Nabs? Ouais, je suis là, Niro. Bien ou quoi? Voilà, bien ou quoi, mon sauce? Ouais. Nabs, c'est qui Nabs? Parce que toi, c'est sûr que je te connais. Jif de Blois, Dédé. Ah, ok. T'es le petit frère à qui? Je suis neveu à Kamel Chedi. Pas celui Grand Salem, voilà. C'est une histoire de famille. Bah, c'est une histoire de famille, je connais tout le monde là-bas, mon frère. Eh bah, bienvenue Nabs. Maison. Salam Nabs, bienvenue, t'es alors, chez toi. Toi, Nabs, tu nous as dit que t'as un collab sur Niro. Ouais, non, moi, Niro, c'est. J'écoute tout le temps. Depuis le début. Donc, tu vas voir, là, le jeu est très simple, je file des phrases, tu me dis de quel morceau sont extraits ces phrases. Lourd le jeu, lourd. C'est lourd. Ouais, lourd. Et vous repartez. Vous offrez quoi? Et bah, alors, petit jeune album dédicacé de Niro. Allez, ouais, mais ça, je vais. Moi, quand je te croise, tu vas me voir, je te fais 10 albums dédicacés si tu veux. Des DVD qui sont là, devant okay, des DVD. Et une casquette très tendance. Yeah! Ok. Voilà. Ok. Ah, ouais, avec une fermeture éclair sur la casquette. Tu vas être bien, mon sauce, tu vas être bien. Okay. Mais Andek, tu nous affiches. Wallah, Alors attention. tranquille. Ça se joue en 5 extraits. Si je te dis rien de personnel, c'est que du business. Et que. L'amour au titi. Ah, réponse. Exactement. Oula. Rien de personnel, c'est que du business. De la boîte de vitesse. Appelle le 18. Ah oui, Nabs, comme ça, ma mixtape. Voilà, Nabs, premier extrait, sans faute pour l'instant. Deuxième extrait, si je te dis. Alors attention, celui-ci, peut-être un peu plus dur. Je ne les juge pas pour leurs fautes, qu'ils ne me jugent pas pour les miennes. Oula, ça, c'est rééducation, ça. Ah, ouais, ouais. Nous dire. Alors attention. Ah du gros pèse, on devient pas obèse en ramassant les miettes. Ça devrait être bien. Ah non. En plus, je l'ai réécouté aujourd'hui. C'est celui qui a le plus de, c'est celui qui a le plus de clics. Je peux donner un indice. C'est celui qui a le plus de clics sur Internet. Pour ce qui est. Pour les sous. Ouais. Ouais. À la bien nab. Ramassant les miettes. Voilà nab, écoute pour l'instant. Sale, ce morceau, hein. 20 sur 20. Troisième extrait. Tu es prêt Nabs? Ouais, je suis prêt moi. Lourd hein. Ouais, Nabs. Je te représente si t'es comme moi, peu importe d'où tu viens. De quoi j'ai pas entendu. Je te représente si t'es comme moi, peu importe d'où tu viens. Cette année je baise le rap game. Bien. Ah, ça te dit rien? Ah non, ça me dit rien ça. Alors attends, on va te mettre l'extrait, peut-être que tu as trouvé avec l'extrait, écoute bien. Je représente si t'es comme moi, peu importe d'où tu viens, cette année je baisse le rap game. Amis, y'a aucun mal à se faire du bien. Hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça, Nabs. Écoute, pour l'instant, allez, on te l'accorde celui-ci. Quatrième extrait. Toutes les matinées sont grasses, toute l'année je suis en week-end. Ah ouais, toutes les matinées sont grasses, toute l'année je suis en week-end. J'ai essayé d'arrêter le rap, ça me donne envie de ken. Alors, le nom du morceau? Non, le son, attends. Toutes les matinées sont grasses, c'est toute ça. L'année je suis en week-end. Tu l'as. Je te donne un indice là. Bref. Bref, on se comprend. Voilà, bref, on se comprend. Et enfin, cinquième extra pour l'instant, fort en abs. Ouais. Franchement, fort, hein, parce que faut quand même avoir tous les titres. Il les connaît, mais. Il les connaît en tout cas. Et attention, dernier extrait. Dernier extrait, mais pour l'instant, on va dire que t'as 19 sur 20. Tu crois qu'on joue, c'est chaud ma gueule. Viva Street. C'est chaud ma gueule. Oh putain. Oh non. C'est chaud ma gueule. Je crois que l'on peut applaudir Nabs pour ce sans faute. Bravo Nabs à l'instant de Blois. Bravo à toi. Bravo garçon. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux faire un petit texte? Tu veux faire quoi? Tu veux rapper un petit texte? Ouais, mais sans instru. Tu fais. Bah, Niro, a priori, ça va poser de soucis. Il veut faire un petit texte sans instru. Bah, vas-y, lance-toi, mon petit loup. Allez, on coupe l'instru, on t'écoute, Nabs. Allez, on t'écoute. C'est bon? Ouais. Vas-y. Je débute sur ce nouveau couplet. Tu m'écoutes, t'es époustouflé. Ce petit haineux va se pousseler. Je prends trop de place, je t'ai étouffé. Poteau, tes punch, c'est du tout fait. Mes punch à moi, c'est du tout frais. Toujours là pour la finition. Je suis en mode passe des. J'écris le jour, j'écris la nuit, donc je tape des insomnies. Toujours croire en ses rêves poteaux, rien n'est impossible. On m'a dit écrire des hits pour toi, Nab c'est impossible. Je suis comme Tom Cruise, j'ai relevé la mission impossible. Impossible, ouais, impossible, la différence est insiste, donc je rappe comme pas possible. Pas possible poteau, ton rap c'est pas solide, tu fais la hlul, mais tu pas solide. Hein. Ok Nabs, bravo Nabs, à l'instant en freestyle. Bravo à toi. Tienne, mon gros. Et tu repars dans les rails de Long Beach, salam alaikum de tous les rails de Kenneth, tous les rails de Kochi. Et MDS. On te remercie en tout cas. T'as bien assuré Nabs. À la bien. Niro qui était bien, on va t'envoyer tout ça. Tu vas avoir une casquette, t'es refait là, 2-3 petits DVD histoire avec ta petite meuf. À la bien. L'album de Niro dans la groove avec tes rails. À la bien. T'inquiète. Vas-y mon sauce. Bah, bientôt Nabs. Porte-toi bien, à bientôt. Ciao. Vas-y, à plus. Passe une bonne soirée. Merci à toi. On va mettre un morceau peut-être. Ouais, j'aimerais bien qu'on rappelle juste avant les trois dates de concert. Voilà. Oui. Donc alors, je tiens à rappeler à toute la France que nous serons à Lyon le 26 au Ninka Zikao. 26 de quel mois? Le 26 novembre. Novembre. Le 27, on sera à Marseille. Et le 28, on sera à Paris. Au Bataclan. Il faut prendre les places maintenant. Les places sont déjà disponibles. Voilà. Ceux qui savent, vous les trouver, allez-y. Voilà. C'est dès maintenant. Il y en aura plus beaucoup. Et puis il y a d'autres dates aussi. Hein. Il y a d'autres dates, mais elles vont être communiquées très prochainement. On attend 2-3 certifications. Voilà, là, c'est les 3 dates où les gens ils peuvent prendre leur place déjà. Donc voilà. Donc allez-y. Les 3 dates principales: Lyon, Marseille et Paris. Et Paris, 26, 27, 28 novembre. Le 28 à Paris au Bataclan. Je vous invite, frères et sœurs, depuis le temps qu'on me demande une date à Paris, donc voilà. Qu'est-ce qu'on écoute, messieurs, maintenant? Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Excusez-nous, on est en train de remplir le studio, donc c'est pour ça que vous entendez des bruits en disant pousser dans le fond. Vas-y, je te laisse choisir, Moscou. Moscou. Eh ben, écoute, on peut s'envoyer le Barrington Levy, faut juste jouer au platine, je l'envoie. Tu veux l'envoyer des platines? Ouais, parce que c'est la version édite, en fait. Ah, la version du clip. Eh ben, très bien. Alors, disons un petit mot sur Barrington Levy. Il y a un petit clin d'œil au morceau, d'ailleurs, culte de Barrington Levy, dessus. Ouais, refais ça, attends, on te laisse faire, vas-y. Tu vas le refaire, Ça y est, on arrête l'émission. C'est beau. Dis donc. J'espère être content. Je vais sortir. Tu vas avoir les Jamaïcains sur les côtes. Ah non, mais je veux pas les avoir. Voilà. Ouais, Barrington Levy. Donc c'est voilà. Le clin d'œil évidemment à ce morceau culte que tout le monde a, que t'as dû saigner toi aussi celui-ci. Je le voulais sur le morceau, putain, ce petit bruitage tellement légendaire. Tellement réussi. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Barrington Levy, c'est une légende de la musique. Oui. Pour ceux qui le connaissent pas, je pense que les petits ne doivent pas connaître, mais allez vous renseigner. Ils ont fait des classiques, ils ont été samplés par les plus grands, par Lil Wayne, les Puff Daddy, etc. etc. C'est une légende. Et voilà, bon, je vous invite à découvrir le morceau avec Shine, Barrington Levy et Shine et Barrington Levy. Là, c'est maintenant Niro et Barrington Levy. Exactement. Incroyable. Live in the ghetto. Yeah. Pour la première fois en France, d'ailleurs, c'est sa première collaboration avec un avec Français. Avec un Français, première fit. Ouais. Et voilà. Ça tombe sur Niro, extrait d'album miraculeux. La ce pain. Qui l'aurait cru? Ouais, la ce pain. C'est bon, on peut balancer le son. Quand tu veux. Bien. Ce pain chelou. Ah, on n'entend rien. Hein. Ah, ça y est, c'est parti. Ah. Je crois que nous avons un petit problème de son. De toute façon, on a toujours des problèmes. Tu sais ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ça pendant la pub et on vient juste après, on le balance direct. Ok, à la bien. Ne bougez pas. Restez branchés, mes amis. Comme toi, Niro a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Niro avec nous toute la semaine et après ce faux départ, je crois que l'on peut balancer maintenant. Le Barrington Levy, Niro, Living the Ghetto. Voilà. Allez, c'est parti, Moscou, quand et tu à veux. À tous les gens qui nous écoutent, miraculés dans les bacs, allez chercher. Ouais. Ah bah voilà. Miraculé. Dans les bacs, miraculé, Zulu. N.I.R.O. Street Tour. Ghetto, soldat. C'est là, c'est pour mes rats qui cherchent la salade dans les rues. Me donne. Calcule pas les jaloux, les radars. Ouais, je bouge bien. Indispensable dans ce rap. Ouais, ça mole. Roulez. T'auras pas fini, gros, mais bouge ta. On va te faire du mol. T'as les carrés déterminés. T'as les timons, ça on connaît. Connaît. Bon, on s'envoie la monnaie. On est là que pour ça. Gros, s'en va les couilles de la renommée. Zoulou. On meurt ghetto. Donc on meurt très tôt. Accident d'auto. Tous les cholotos. Dans une flaque de sang pété à l'osso. Réussir dans le route c'est rare. Comme un putain de gagnant du loto. Roulez. Life in the ghetto, it's the teasing at the toll. You got to be a soldier or you're really gonna fall. Surviving in the ghetto, it's a million feet tall. To be a soldier with your back against the wall. Roulez. Life in the ghetto, it's not teasing at all. Barrington Levy. Life in the ghetto, it's not teasing at all. Miraculé. Living in the ghetto, it's a million feet tall. Ouais, je paie haut. It's not teasing. Champigny, voilà B. Les boulons. Tous ceux qui pètent la tête au pied. On te fait quitter la ville en plus dans 10 ou 15 piges. Je suis mort ou en retraite, c'est pris sous terre. La vie ça vaut cher, faut la garder secrète en ce qui nous concerne. Parlez-moi de rien si c'est pas du concret. Ok. Personne n'est indispensable. Ouais. On finit par en trouver. Ouais. Et quand on tourne le dos à la rue, la rue va leur tourner le dos. On marche en troupe, t'as les commandos, on est à chez eux pour savoir ce qu'ils volent. Parle dans mon dos, tu vas gigoter par terre comme un spermatozoïde qui sait plus où ils volent. Zoulou, en force, on connaît tous tes vices. On peut les apprendre à tes petits enfants, à ton arrière-grand-mère et à tous ses petits fils. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour la gloire? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour la voix? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il se prépare pour Niro? Qu'est-ce qu'il ferait pas pour savoir? In the ghetto, it's not easy not to talk. You got to be a soldier or you're really gonna fall. Surviving in the ghetto, it's a million feet tall. Wesh Karim, Sushi, quand sur Mars je te reçois, 7 sur 7, bien acculé, H-H, Joinville le pont, BLO, Dédé Long Beach, Kennedy, Kochip. Oh, we gonna slew many a time, so we don't have a clue. Wesh Despo, Hardy, what we gonna do? Tu me reçois ou pas Zoulou? Le Niama ne peut pas tuer le Zé. Ouais, ouais. Easy not to talk. Any you got to be a soldier. Dans les bras, really miraculeux, strip lourd, strip lourd. Dédicat Corona, DJ Mosco, DJ Mosco. Ouais, ouais. Wesh Darzan, wesh Coro, H1, Abou, Zien, Chinois, la famille. Wesh 12, Champigny Zou. Voilà B, Orly. On voit en soi, y'a Blaguette, y'a la hyène qui sont là. On a le réalisateur du film 8002 qui est Anas, un jeune la famille. Live 8000, in the 8000. Ghetto avec Niro et Barrington Levy à l'instant. Monsieur Barrington Levy. D'ailleurs, incroyable. La connexion, qui a géré la connexion sur ce. Bah écoute, c'est la première fois qu'il pose avec un français. Ouais. C'est la première fois. C'est le poteau, la et sopin. Voilà, c'est la sopin qui nous l'a mis dans les pattes. Et puis super bon feeling avec lui, Barrington Levy, il est venu à la cité. Ouais voilà, normal. Le quartier et tout, normal, on a clippé, super bon feeling. Il est venu à la cité, il fumait pas à la base, la première fois qu'il est venu, il nous a dit, non la fumée, nanana. La dernière fois qu'il est venu, il est reparti. Il nous a sorti, where is the brain food? The brain food. Et hop, on l'a vu bien, tout ça, non mais respect, il a 52 balais, mais voilà quoi. Barrington Levy, gros. Yeah. Barrington Levy, Barrington Levy sur l'album de Niro, Miraculé, c'est incroyable. Ce qu'on écoutait à l'instant. Mais les gens, ils se rendent pas compte que c'est une légende de la musique. Incroyable. Frères, voilà, ils s'en rendent pas compte, mais je vous invite à aller voir sa discographie. Et écouter ses morceaux, ouais. Exactement. Bon là, en attendant, on le retrouve sur Miraculé. Dans un instant, il y aura un autre titre de l'album. Qu'est-ce que on va mettre de l'album, messieurs? Je sais pas, c'est moi. Tu sais, moi en vrai. Phénomène. Ah, ouais. T'es venu, tu phénomène, penses? Moi, je suis chaud. Phénomène. Ah, Moscou a parlé. Moscou. Ouais, mais lui, il aime bien trop. Il aime trop les. Bang. Me tirer sur. Vas-y, envoie phénomène. Ouais, mon ami. Ça arrive dans un instant. Juste avant, par téléphone, on va faire un tour en Belgique à Charleroi. Ouais. Paix à tous mes Marocains de la Belgique là. Oh, Bruxelles, putain. On est là. Avec Droussong de Charleroi. Ça va bien, Droussong? Ça va. Et toi? Comment tu vas, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme. Et toi? Ça va, c'est très bien, grosse dédicace à Niro. Salam alaikum, mon pote. Salam alaikum, mon frère, en soutien, il n'y a pas de problème, on est là, bah, très bien, la famille, on est là, t'inquiète est-ce, pas. Est-ce que l'album est arrivé en Belgique, Droussong? Ben là, en ce moment, je pense pas qu'il est encore arrivé, mais je vais aller voir, Inch'Allah, samedi ou quoi. Comme Inch'Allah. Ça, on va l'acheter, tranquille, il n'y a pas de soucis, Niro, N-I-R-O, mon frère, t'inquiète. Et puis, en attendant, demain, on va rappeler aussi, à 18h, le clip débarque, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a le clip qui arrive, c'est ça, à 18h. Hein. À 18h, oui. Le clip de Barrington Levy, live in the ghetto. Yes. En 3D, je tiens à rappeler qu'il est en 3D. Et c'est la première fois, je crois, dans le rap français, vraiment. Où il est en 3D? Ouais, il est en 3D. Voilà, c'est la première. Voilà, on innove, on n'arrête pas. On innove. Voilà, c'est Soso qui a fait le clip. Il va venir là cette semaine, on va la ramener, Inch'Allah, cette semaine. Et en attendant, on écoutera Pedro Song, c'est parti, session freestyle par téléphone. Ah, on va chanter, frère, y'a pas de problème. Enchanté, mon sauce, enchanté, vas-y, balance la sauce, mon sauce. Yeah. Non. Yeah. Non. Je prépare le micro, je vais bien t'épater. Laissez-moi chanter, j'ai le flow depuis un MC. J'ai pas choisi ma vie, au moins j'assume. Direction l'avenir, accompagné de ma plume. Fais briller ton étoile. La vie est une escale, yeah, yeah. J'arrive à temps, le R&B prend place obligée. Sachez-le, le talent se perd, trop de chanteurs mitigés. Mes projets vont voir la lumière, je suis un bosseur, j'ai du flair. Si tu mets ça, toi-même tu fais, on saigne. On n'a pas vécu, mais des histoires anciennes. J'ai fermé les yeux quand les temps des rêves ont fait se sourire. J'ai tout fait pour aboutir, pour réussir, yeah, yeah, yeah. Ce qu'on ne dit à personne, il sera chaviré de bonheur. Des heures à charbonner pour réussir. Des amis ne se tiennent dans le sourire. Hey, yeah. Hey, nos mères se battent ainsi que pour nous nourrir. Ok, Drousson, qu'à l'instant de Charleroi. Charleroi, pardon. Bravo, bravo à toi, Drousson. Ben, bravo à toi, faut avoir des couilles en fait pour. Ouais, t'as des couilles, mon vieux. Ça, on est là. Rap, la tienne, qu'il ça. A kiffé, Nero. Là, la tienne, mon sauce. Voilà, t'as des couilles. C'est très osé en fait. Je m'attendais à du rap, moi. C'est ça. Comme d'habitude. Comme quoi, il faut varier les plaisirs. Exactement. Ah, c'est sûr, ben là, je prépare un album là. Et ben, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Vas-y, file les adresses. Non, si, en fait, attends, je vais te dire ça maintenant. Sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, tu me retrouves donc Drousong en grand DREW espace SONGZ. Et sur Twitter, DREW SONGZ tire en dessous off. Drousong à l'instant. Merci à toi, Drousong. Vas-y. On voit. Je tiens à remercier Théodore du label Autopsy Prod avec qui j'ai travaillé pendant un an sur l'album. Je fais un gros big up à Lilsai, CJ Mesta, Cher de Skull Record, Dixon, Anthony Beat avec qui j'ai travaillé sur un morceau, Saïd El, Bopé, Mohlamena, Jenny Selassie, Striker, Jack Lantern, SU, Maître Kiala, Zedric Kamizi, c'est bien, Green Money, Baston, mon frérot Gary, Karim, Gouache Music et toute l'équipe. Mais je tiens à remercier également mon public, qu'ils ont toujours été là, l'histoire continue. Et n'oubliez pas, je fais une petite info. Rendez-vous le 19 juin pour mon dernier single. Laisse-les parler parce qu'après l'été, on arrive avec un album. Et bah, merci à toi, Drousongs. Et bon courage pour la suite. Fred. Ouais. J'ai une petite info. Bon courage, mon sauce. J'ai une petite info à passer au Khey et au Khayette. Il y a le freestyle de Bouscapé qui est en ligne. Ah. Vous pouvez aller gros le voir. Gros freestyle, là. Gros freestyle, Bertrand Catin, on casse des dos, on casse des bouches, on casse les bras. La saleté. Que de la frappe, que des morceaux de bataille. Bah, allez cliquer sur Bouscapé. Kata. Et j'ai 2-3 dédicaces à mon pote Karim du Sushi, Nachan sur Marne. Grosse dédicace à Samos Locos, le custod d'artichaut. Il cuisinait pour moi au placard. Quand j'étais en prison, grosse dédicace à lui, Samos, à la tienne, mon sauce. Et voilà, dédicace à ma femme aussi. Moi, j'ai une grosse dédicace à Momo, la Soumission Moha, Team. Moha, Kenza, je vous oublie pas, on pense à vous, y'a rien. Ville, tout ça, Soumission Team, Moussa, tout ça, Joe, ouais, l'Indien, Bill. Paix à la Soumission Team, paix au petit Mohamed, Moussa, paix à Daba. Voilà, on s'entraîne dur. Paix à toi, Aki. Et ben merci pour bam bam, tous les anciens de la thèse, yeah. Nos bruits. Hein. On va mettre un morceau. Monde dans le studio, ou pas, là, on va mettre un morceau maintenant, justement, qui va réveiller tout le monde. C'est le morceau qui s'appelle Phénomène, c'est extrait de l'album Miraculé. Produit par Outstar, grosse dédicace à lui. Phénomène, morceau, mais bref, Moïm, le morceau il parle de lui-même. On va l'écouter juste avant. Il y a aussi une petite question. Hier, tu m'as foiré le jeu, donc j'espère que tu vas pas me foirer celui-ci. On va te le refoirer, on s'en bat les couilles, nous. Ouais. Je rigole, vas-y, on la question jeu, cette pour fois, repartir, rien, pour repartir avec l'album dédicacé de Niro est simple. Comment s'appellent les trois projets de Niro qui forment sa trilogie? Alors là, il n'y a pas besoin de dire. Hein. Bon, y a Miraculé, on sait. Voilà. Et il y en a deux autres. Ouais. Comment s'appellent les trois projets de Niro qui forment sa trilogie? 41-7-5-9. Je le dis ou pas? Non. J'ai envie de niquer le jeu là. On fait comment? Et bon, balance le morceau Phénomène, c'est ouais. Parti. Incontournable. Ouais, Steph la cousine, on te reçoit 5 sur 5. Ouais. Incontournable. Un coup tournable, les autres sont tout nasses. Demande à la street, j'suis pas mort dans le film, c'est chelou. J'ai pas vu ta gueule au tournage. T'as sûrement dû crever dans le script. C'est les mauvais qui m'ont escorté. Ouais. Les autres leur ont tellement profond dans le cul qu'elles sortirent à pas l'œil qu'ils ont voulu porter. Je vous en prie. Personne peut égaler qui peut nier. Ouais. Les 3-4 dernières années. Ouais. Faut plus les combats que j'ai gagné. Ouais. Voilà, je me suis régalé, toujours hors catégorie. Personne de douter. Même pas ta pute, même pas les doigts. Je veux même pas l'écouter, ça fait. Poussez-vous de la route, j'ai la dalle comme au Ramadan. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ça qui nous mènera au paradise. Pour m'en sortir, j'avais pas de recours. Heureusement que le Seigneur me coupe. J'étais le meilleur de ma génération. Maintenant, je suis le meilleur tout court. Parlez-moi pas de vos rappeurs. Ouais. Rien à foutre de vos rapports. Je pourrais dire que je les mange tout cru. Mais non, poto, je mange pas toi. Charbonne à chaque calme. Bombarde comme ton peur là. Ouais. Je vais remplir mon putain de compte en banque. Mon fric ou mon putain de passe-temps. Allez, tiens. Mais mon chien, j'ai toujours été sûr que moi, je suis douqueuse. Gros, dis-moi qui peut avoir la dalle plus que moi. Noir tout. Robe, Renoir, y'a que les vrais qui roulent avec moi. Les autres qui s'aiment, niquer leur mère. Mort, enfin, je suis un phénomène. S'il faut pas pour nous, rayons le phénomène. N-I-R-O, putain le phénomène. Rayo, la S-N-O-M-E. J'ai baroudé dans la merde, à part mes gars, j'ai besoin d'aider son père. Tu nous aimes pas, nous, si on t'aime pas, un problème pas. T'inquiète même pas, ça traîne pas. On va te réveiller dans la baraque à ton père. Je voulais se battre avec ma clique sur scène. Ces armes, ce que je fais, c'est obscène. Pourquoi tu me fliques? Pourquoi ça te concerne? Pourquoi tu cliques? Pourquoi tu m'observes? Avec tes gros cernes, je plaque la recette. Y'a ta sage gêne qui m'appelle pour me crier sa peine. J'ai pas le temps, ma belle. Mon passe-temps, ma paye, ma cause, mes frais. Bah les couilles de la bas, bah les couilles de la plaie. J'ai des courses à faire, on a tout à perdre. La doute à peine sortie du ventre de nos mères, c'est la merde, mon frère. On a tout à faire. Genre de rééducation maintenant, ça va. Je me suis relevé. Là j'ai pu me. Demande au café, demande au timon. La concurrence. On va la ramener à ce qui paraît. Ce que tu fais, c'est pas mal. Ouais, de speed. T'es une carotte comme Obama. Oussama ou ses clochards du R&B. On fait que monter dans toutes les villes. Ouais. On sait comment t'es dans la vraie vie. Ouais. Caché derrière des vrais fils. Des vrais fils de putain d'arrivée. La village, ça va très vite. Pas le temps de faire le grévite. On ira chercher ce qui nous est dû avant que toutes ces salopes sévissent. Allez, tiens. Mais mon chien, j'ai toujours été sûr de moi. Je suis douqueuse. Gros, dis-moi qui peut avoir la dalle plus que moi. J'ai tout. Robe Renoir, y'a que les vrais qui roulent avec moi. Les autres, qu'ils aillent niquer leur mère. Motherfucker, je suis un phénomène. S'il faut pas pour nous, rayons le phénomène. N-I-R-O, N-I-R-O, putain de phénomène. Rayons la phénomène. Zoulou, miraculé dans les boîtes. Mr. Flo, N-I-R-O, Teddy Corona, DJ Mosco. Putain de motherfucking lourd. Zoulou, street lourd. C'est extrêmement miraculeux, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Niro, notre invité, phénomène. Le morceau sur Skyrock. Énervé ou pas? Énervé, bien énervé. Tu as d'ailleurs, faisons un petit point, puisqu'on parlait des gens qui ont bossé en production dessus. Tu nous citais le nom du producteur de phénomène. Ouais, qui s'appelle Outstar. Il y a qui? Il y a Thérapie, il y a Medical Deka, il y a Genius. Il y a Genius. Jeff. Genius, il a fait une grande partie de l'album. C'est. Je peux même pas vous expliquer le talent. Son talent, il est à la hauteur de sa folie. Pareil, kiff. 50-50. Donc va te faire foutre, pauvre enfoiré. On t'emmerde. À Miami, là, hein. Miami, pauvre enfoiré. Folie, en personne. 5 sur 5, la folie. Il y a Jeff qui a produit Mama. Il y a Will Star. Il y a Street Fab. Et plein d'autres. On a à peu près fait le tour là, je crois. Ouais. S'il y en a que j'oublie, je suis désolé. On le fera dans la semaine, il nous reste encore quelques soirs à passer ensemble. À la bien. Est-ce que tu es prêt pour le live, Niro? Je sais pas, voilà. Moscou aussi? Moscou, il faut que tu arrives à. C'est Moscou qui est pas prêt, je crois. Ouais, Moscou, en même temps, il y a du monde dans le studio, donc forcément, pour accéder aux platines, c'est un peu plus compliqué. Tu vas nous faire quoi comme morceau, Niro? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un morceau sur la précommande, il est pas sur le disque en physique, donc voilà, on va faire ce morceau qui était sur la précommande uniquement, qui s'appelle Me Revoilà. Me Revoilà. Me Revoilà dans le game, mon ami. C'est maintenant en live dans l'émission entre 20h et 21h, Moscou. J'arrive pas à voir s'il est arrivé, Moscou, en fait. Il y a tellement de fumée, de monde dans le studio. Il y a un brouillard dans le studio. Mais il est pas très grand, Moscou. Ah, ben voilà, ça y est, c'est bon, je le vois. C'est prêt maintenant pour le live avec le hashtag Niro sur Skyrock. Vous continuez à balancer plein de messages. Yeah, dédicace. Ouais. H. On y va maintenant, me revoilà en live. Et mon gars, exclusivité sur Skyrock. Mauvais père, mauvais garnement. Nouvel album, nouvel événement. Yeah. Nouveau virement, nouvel investissement. Aïe. Nouvelle paire, nouveau prélèvement. Aïe. Street, putain de lourd Zoulou. Voilà. Me revoilà. Est-ce que l'âme me reçoit là? Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Est-ce que l'âme me reçoit là? Tout le monde. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Est-ce que l'âme me reçoit là? Ouais, ouais. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Est-ce que l'âme me reçoit là? C'est tout dans la cogite, gros, ça me paraît logique. Coup de marteau dans ton front, tu vas saigner du cochi. C'est le début de ma carrière, la fin de ma trilogie. Rien que ça charbonne à chaque album, il se mange une fléchie. Yeah. C'est l'aime à toi qui me connais, à toi qui m'écoute. J'ai pu les condés sur l'écho, toute ma vie est sur écoute. Yeah. Parler avec eux, ça me casse les couilles. La relève est trop loin derrière, pour la voir, faudra me casser le cou. Mesdames et messieurs, le rap va mal, la police va mal, Skyrock va mal, Fred va mal, Teddy Corona va mal, enfin je crois pas qu'il va mal. Non. Mais en tout cas, j'ai une petite nouvelle pour vous. Abdoula, on va bien, mon ami, DJ Moscou. Mauvais père, mauvais garnement. Nouvel album, nouvel événement. Nouveau virement, nouvel investissement. Nouvelle paire, nouveau prélèvement. Bientôt j'investis dans l'armement. Calmement, y'a de l'argent, je suis dans mon élément. J'ai tellement grité, même si je peux chier des albums. Éternellement, je deviens rare comme un diamant. Je deviens cher, évidemment. Je me suis fait illégalement. Déséquilibré cérébralement. Je te parle album, pépèrement. Je prends mon temps, je reviens sévèrement. Tu me fais du mal, je te le dis clairement. Nique ta mère, toi et tes serments. Je me sens solo, perdu comme un enfant de la dalle. T'as trop mangé pour m'apprendre ce que c'est qu'avoir la dalle. La vie est dure dès la naissance, elle nous fait pas de cadeau. J'étais pas mauvais à la base. À force de courir, y'a plus rien qui marche. Mon esprit assimile mal toutes ces images. J'suis passé de l'anonymat à la gloire. Je raconte ma vie comme je la vois, comme je la vis. Yeah. Pour ça que leurs putains veulent ma voix. Yeah. Sont là me raconter leur vie. Peu importe, je passe les rapports. Les yeux fermés, j'ai cramé leur vis. Dans leur boîte à caca, ça rentre sans tracas. Devant, y'a aucun dervis. Je suis dérangeant comme tes gueules. Et on te raffole pas pour tes pleurs. Et pleurs, et t'es mort dans le game chez nous. Y'a personne qui compte tes pleurs. Et je sais même pas, il est quelle heure. Et j'ai pas de mots à mon poignet. Je prends mes sous, je vais m'éloigner. Fuck le game, fuck les années. Sans se mouiller dans un verre d'eau, ils pourraient se noyer. Voyons, ils veulent t'apprendre la vie, ils ont jamais payé. Loyer, voyons. Ok, qu'est-ce que tu me parles de mitraillette? Va ranger ta chambre. Va tenter ta chance dans la variette ou va niquer ta tombe. Sans leur faire la guerre, c'est que le début de la mienne, on va faire avec. Je remercie Dieu avant qu'une balle m'atteigne. On perd la tête, on veut pas faire la fête. Les probis se cachent derrière les loups. Pour entrevoir ce que va faire la bête. Viens vers mes frères avec la merde qu'on vit. Si on dit sa mère, on oublie la tête. La parole anonymat, je sais pas. M'en bat les couilles de ce qui marche ou pas. Ni parle dans les rues, dis pas, demande leur pas si je vais rire ou pas. Vérifie pas si je suis riche ou pas. Si je parlais ouvertement, les MC s'allumeraient pour l'entertainement comme Biggie. Je me sens solo, perdu comme un enfant de la danse. T'as trop mangé pour m'apprendre ce que c'est qu'avoir la dalle. La vie est dure dès la naissance, elle ne fait pas de cadeau. J'étais pas mauvais à la base. Dis-moi, dis-moi. À force de courir, y'a plus rien. Dis-moi. Mon esprit assimile mal toutes ces images. J'suis passé de l'anonymat à la gloire. J'passerai de la gloire à l'anonymat. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Est-ce que la rue me reçoit là? Ouais. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Est-ce que la rue me reçoit là? Ouais. Miraculé dans les bacs, bande de zoom. Allez le chercher. N.I.R.O. Street putain de lourd. Lourd. Fonce. Lourd. Show my gueule. À l'instant en live. Énervé négro. Le morceau énervé, me revoilà. Comme d'habitude, énervé. Énervant et énervé. Mon âme. Niro avec nous toute la semaine entre 20h et 21h. L'album s'appelle Miraculé. Juste avant de se quitter, on va finir d'ailleurs avec un morceau d'album. Je veux pas quand même passer un grand salam à tous les gens qui envoient des messages. Grand merci à grosse vous dédicace, pour le soutien. Grosse dédicace à tous ceux qui vont chercher l'album. Et ils sont nombreux pour l'instant à y aller, à aller cliquer aussi, oui, on peut le télécharger légalement. Hein. Légalement, ouais, c'est ouais, le but. Aller le télécharger légalement. Après, t'as vu comme je t'ai dit hier, voilà, c'est la vie, nous on peut pas empêcher les gens de télécharger illégalement. Tu vois. Donc voilà, j'invite tous les frères et sœurs qui soutiennent pour de vrai, qui veulent porter les vrais projets, comme je vous ai dit, c'est vous faites les disques d'or. Donc c'est à vous de faire les choses. Si on le fait pas, bah tant pis, Inch'Allah, ce sera pour la prochaine. Et puis on continuera à se battre comme d'habitude. Street putain de lourd. Il n'y a personne qui nous a aidé. On est arrivé là parce qu'on méritait d'être là. Voilà, paix à tous les gens qui ont tendu la main, paix à tous les vrais gens. Et fuck tous les haineux, ma gueule. C'est 10 ans là, avec 10 ans. Mais Fred, hey, Fred, moi je pense qu'il serait bien. Tu sais ce que ça serait? Ça serait de faire en fait, on fait une espèce d'annonce, tu vois, avec les gens qui prennent leur album, ils prennent l'album de Niro en photo. Ouais, voilà, moi je reçois, reçois plein de photos déjà de tous les gens qui l'achètent. Ouais, plein, continuez à envoyer vos photos, voilà. Ou alors capture d'écran si vous voulez télécharger légalement, n'hésitez pas. Exactement, voilà. Je vous remercie. Et puis on va faire un truc avec après, tu vois, avec la tête de tout le monde, on va faire un truc, je sais pas quoi, mais. Alors on l'envoie où? On l'envoie une adresse précise ou pas? Ça serait pas mal. Regardez ce qu'on va faire. Vous allez tous prendre votre album, peu importe d'où vous venez, peu importe de quelle frontière vous êtes, vous prenez votre album, vous prenez une photo la plus originale possible, vous et votre album. Inch'Allah, on vous prépare à une surprise dessus. On va y réfléchir fortement. Donc envoyez ça, c'est sur mon Twitter. Envoyez les images. Officiel Niro, c'est le seul et unique Twitter. Officiel Niro. Voilà. On a la petite vignette bleue là. Donc arrêtez de se faire duper par les petits enfoirés qui font des faux comptes. Toi, tu Officiel Niro. Tu as la petite virgule. Oui, j'ai la petite vignette. Tu sais, on s'est professionnalisé depuis changement de statut social. Tu as été en contact avec les States, avec la Silicon Valley. Ouais, exactement. J'ai eu contact avec LA, avec la Silicon Valley, avec. C'est plutôt San Francisco. Voilà quoi, je pense. Silicon Valley. Non, moi t'as vu, je suis plutôt installé à Miami, tu vois. Bon, Niro, avant de se quitter, on balance quel morceau alors? On va balancer Voilà. Yay. Voilà, que Laurent Bounou aime bien d'ailleurs, il m'a dit ça hier. Celle-là c'est pour Lolo. Mon petit Lolo, on te met bien Lolo. Celle-ci elle est pour toi Lolo. Alexis est dans la maison. Cheveux, ma gueule. Merci. Pif est dans la maison. Merci pour ce petit concours. Merci pour ce petit concours de vannes. On va écouter le morceau maintenant. Au revoir. Roulez. Allez, c'est parti, voilà. Dédicace à Alexis qui est là ce soir. Mais il était là hier. Ouais, mais hier on lui a pas dédicacé, donc aujourd'hui on le dédicace. T'as un problème avec ça ou quoi? Non. Eh Alexis, on le mêle ou quoi? Eh, miraculé dans les bacs. De Sky est avec nous. On est là, y'a rien le 9 juin dans les bacs. Allez chercher l'album, la famille. Que de la frappe assurée. Surée. Voilà. Grossi la foi, t'as parlé, crois-la. On prend des risques inconsidérés. Ouais, sur le périphérique. C'est le fruit de la folie, poteau, voilà. T'es mort avant que les pompiers soient là. Genius. T'as vu ta vie en différé. Aujourd'hui on va tenter, vu que c'est tout pour les intérêts. J'espère que t'auras du souffle. Pas trop courir après les sous. Tu vas manquer d'oxygène. C'est tout pour les intérêts, on finira par tenter. Pas de cinéma, star. T'es là pourquoi, par le bénéf. Tu leur fais confiance, les pélèques. Tes faux amis sont tout freinés. Ils vont rien faire à part te freiner, voilà. Dehors c'est dur, tu me parles de quoi là? Hala bordel, y'a que des malades. Y'a Haja, ça sort à la calage. Toute neuve sortie de l'emballage. Une vie entière sur quelques balades. Je veux même pas te raconter ma life. Je la raconte même pas à ma wife. Dédicace à toi, hein. Je sais que tu m'écoutes. Je serai jamais gay. Vu que c'est tout pour les intérêts. Je cherche pas la lumière dans les ténèbres. Genius. Je préfère plutôt être riche que célèbre. Souleyman. Faut même se méfier des gens qui t'élèvent. T'as l'enfoiré entre soi. Yeah. Dans tes yeux ce qu'il y a pas sur tes lèvres. Je peux pas exaucer tes rêves. Je veux m'insérer mais je vois là. Se refaire comme si on n'était pas là. Et vu qu'on n'est pas à la mode, tu fais comme un mort. Je m'attends pas à avoir un poil. Solo dans ma paranoïa. faut plus de rock, la chatte à Zaya. Crochet au Scardella, oh yeah. Quand faut y aller, gros, y'a pas le temps de chialer. Comme vite à la Zermi est passé par là. Elle a fumé les gars d'Ambala. Le vendredi à faire la salade. Le samedi à faire le haram. Dans les clubs branchés de Panama. Ou lundi à qu'ils ont pas d'âme. Eux ils te respecteront pas si t'as pas d'âme. Voilà dehors ça parle en cadavre. Combien ont survécu à la dalle. Ont terminé comme Ficada. C'est tout pour les intérêts. Tout pour les intérêts, miraculé, on va tolérer. C'est tout pour les intérêts, fini à partir. Voilà, voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Dédicace, grosse dédicace à, au producteur du titre. Genius. Genius. Le fameux Genius. Le fameux Genius, il a produit. Et si j'ai bien compris, voilà. Il est à Miami en ce moment. Il est à Miami. Il a produit, voilà. Il a produit Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, pardon. Il a, t'inquiète conduit. Même pas. T'inquiète il a pas. Produit, t'inquiète même pas. T'inquiète il a produit Chacun ses raisons. Fidounia. Il a produit Fidounia. Il a fait que des gros titres. Tout à l'heure on a oublié un Suleiman Beat qui a fait Fourmi. Voilà, Suleiman Beat qui a fait Fourmi aussi, fort, voilà, qui est ça. Un Marocain je crois. Et j'ai jamais eu vraiment de contact avec lui, mais les seuls prods qu'il m'a envoyé, il m'a traumatisé. Donc grand salam à lui, grand salam à tous mes Marocains aussi qui sont Rokma, qui nous écoutent. Soso Devi est dans la maison. Soso Devi. Avant de se quitter et de retrouver et de retrouver D-Fool pour la radio libre, on fait tourner la roue. Fred, je veux d'abord te présenter. Je veux d'abord te présenter Soso Devi, c'est lui qui a fait le prochain clip pour Barrington Levy. Qui sort 3D. Demain. En qui 3D, sort demain voilà. En 3D. Il va vous dire à peu près le travail, la difficulté du travail qu'il a eu à faire sur ce clip. Bah 3 semaines de taf quand même. Ah pas mal. Et on va dormir, faire la nuit blanche. Pour le poteau Niro, on défend le rap tant qu'il est authentique et vrai comme il le dit. Merci. Donc voilà, on soutient l'album. Donc il est en 3D le clip demain, qui arrive à 18h. Moitié, ouais. Et bon, on guettera ça donc demain 18h. Inch'Allah, donc paix à Soso qui est là. Et bah, bravo Soso, merci à toi. Merci à toi. Sur nos clips. Merci c'est lui qui a fait Fier de nous aussi, comme. Et on a travaillé avec lui sur Fier de nous avec Saïd Tagmaoui. Donc voilà, donc paix à Soso qui est là, qui est venu nous donner un peu la et force. Et bah, bravo, merci Soso. On fait tourner la roulette, c'est parti maintenant. Oh, voilà, la roulette, parce qu'elle est offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Allô Monia de Douai, ça va bien Monia? Oui, ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme, un gros Planète Rap cette semaine avec Niro. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, allez, c'est parti. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Ah là, non, parce que j'étais déconcentré là, j'étais là-bas, bref. On revient à nos salades. Et ben, on revient pour se dire au revoir et revenir demain. Inch'Allah, bah écoute, Niro. Bah écoute, en tout cas, grand salam à tous ceux qui sont là, qui sont avec nous. Grand salam à tous ceux qui nous envoient des messages. Merci à vous tous pour cette deuxième soirée. On se retrouve demain. Juste un petit détail, juste pour revenir sur le public de Niro. Regarde, comme tu peux le voir, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des femmes, tu vois. Donc voilà, c'est plein de tranches d'âge différentes. Voilà, je voudrais finir sur ça. Voilà. À la vôtre. Grand merci à tous. Les ressources, tous ceux qui ont envoyé des messages. Grand merci à vous. Voilà. Grosse dédicace à Samy. Merci beaucoup. 8000. Merci. Le court-métrage, il est sur YouTube. On met ça quand. On est là, la vengeance de mes. C'est qui le prochain? Lundi, t'étais en âge. J'ai un petit truc à dire. Attends, parce que là, je suis perturbé. Attends, PO, mon sauce. Je voulais annoncer qu'il y a un jeune réalisateur. Il a à peine 14 ans et il a sorti sa petite vidéo. 16 ans. Starfallah. Mais on dirait. Il a 14 ans. Ouais, c'est ça aussi. Renaud, il court sur pattes. Il est là. Il s'appelle Samy. Il a réalisé son petit film. Il s'appelle 8000, La Vengeance de Memel. C'est marrant. C'est un petit truc. On peut le trouver sur le net. On peut cliquer dessus. On peut le trouver sur le net. Et dédicace à Camorap aussi qui sont là. Et faites du bruit, s'il vous plaît. On va finir. L'équipe de D-Fool est là normalement. La radio libre. C'est du lourd. Ouais, lourd. Jusqu'à minuit, on vous donne rendez-vous demain pour Planète Rap. Juste avant 20h.